Le groupe Belussi, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Top Chrono, Top Chrono. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono Weekend. On va dire qu'on est déjà en été, j'espère que pour vous aussi ça va très bien ce soir. Vous avez passé une bonne journée, un bon week-end. Il y en a qui sont en vacances, il y en a qui ont beaucoup de chance, tiens. Et puis avec moi bien sûr dans cette équipe de Top Chrono, c'est du sport pendant une heure et demie. On va revenir sur tous les faits marquants de ce week-end. Et on demande tout de suite à la technique, parce que ce soir c'est une technique de choix. Nous avons le président de la radio avec nous, François Gomez. Bonsoir François. Bonsoir à tous, bonsoir à nous. Auditeurs et bonsoir à toute l'équipe. Alors il y en a toujours Monique, qui... elle est sur la route. Hein. Oui, est-ce que Monique sera avec nous? On espère qu'elle sera là. Elle a dit qu'elle serait là. Et c'est Marie qui nous manque ce soir. Eh bien, elles sont toutes les deux ensemble. Ah ben écoutez, on espère que nous arriverons juste pour le sommaire. J'ai de la chance, au moins cette fois-ci, je ne me ferai pas retoquer au niveau de l'orthographe avec ma petite Marie qu'on attend avec grande impatience pour son magazine Horizon. Didier Bougon a pris des couleurs. Didier, mais où tu étais? J'étais tout simplement à Cavaillon pour de très belles courses hein, au niveau des 10 km et puis du semi-marathon. Et est-ce que c'est normal que tu as pris du collier ce soir pour nous parler? Oui, oui, il paraît. Il y avait la jante féminine qui était plutôt dévêtue. Ouais, cette chaleur. Ouais. Jean-Yves, bien sûr, qui m'a laissé tomber ce week-end puisque Jean-Yves était du côté du rugby à 13. Comment s'est passé ce week-end? Est-ce que le houblon est sorti? Bonsoir Fred, bonsoir chef, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Fred, j'ai beaucoup travaillé ce week-end, j'ai vu trois superbes matchs. Tu as beaucoup travaillé ou tu t'es fait beaucoup plaisir? Un peu les deux, Fred. Tu le sais, quand je vais voir du rugby à 13, je me fais souvent beaucoup plaisir. Le SOA samedi après-midi, le SAP basket samedi soir. Et puis hier, la grande journée, la grande fête du rugby à 13 du côté d'Entraigues. Tu l'as dit, le houblon a coulé à flot et pas que. Voilà, quant à moi, bien sûr, j'étais du côté de Nice. On y reviendra, bien sûr, dans cette émission. On attendra M. Henri qui viendra avec du football. Il viendra nous dire ce qui s'est passé dans ce championnat rond le district. On connaît la passion qu'engendre ce charmant jeune homme qui est Henri, qui va venir à mes côtés. Mais pour l'instant, c'est le départ. Ce soir au sommaire dans Top Chrono Weekend, ça sera du basketball. Le SAP a fait chavirer Quimper dans sa salle de la plaine sportive de Sorgue. Détail dans quelques minutes avec Jean-Yves. Rugby à 13 en élite 2, Entraigues recevait Carpentras, mais c'est Carpentras qui l'a emporté. Tous les détails de cette rencontre et les résultats, toujours avec JY. Sur ce derby, Jean-Yves bien sûr. En rugby à 15, Fédéral 2, si la SBC a perdu dans les arrêts de jeu en Fédéral 3, Cavaillon a pris une option pour la qualification et les Angles, seule la victoire compte. Espérons que le retour à Privas soit beaucoup mieux. Tous les résultats bien sûr de ces phases finales dans cette émission et bien sûr dans quelques minutes en handball national 3 féminine, Mazan a fait le job, victoire sans détail face à cette pauvre équipe de hier. En football, M. Henri, on l'espère avec tous les résultats et les moments forts de ce week-end. Et en athlétisme, Bibi Bougon était à Cavaillon. Et qu'est-ce qui s'est régalé? Vous en avez eu la primeur il y a eu quelques minutes. C'est parti, c'est du... Top Chrono Basket. Allez, on revient avec Jean-Yves sur ce basketball en détail, en National 1 bien sûr. Le SAP d'Avignon qui va très très mal, mais qui nous a tellement habitués à des retours, on va dire, gagnants. La preuve, c'est bien sûr ce retour gagnant face à Quimper, deuxième du championnat de National 1, juste avant les phases finales, puisqu'il reste deux journées dans le championnat. J'arrive où nous en sommes. Écoute Fred, samedi soir, les gens qui étaient présents à la plaine sportive se sont régalés, ont pris un panard extraordinaire. On a vu un grand grand match de basket, on a vu une équipe du SAP qui était survolté avec, je pense notamment à quelques joueurs qui étaient dans un état second. Un garçon comme Antoine Liorel a été juste monstrueux. Il a animé cette équipe du SAP. Il a fait à peu près tout ce qu'il a voulu. Et puis il s'est envoyé comme un sauvage, tout simplement. Le SAP qui a rarement été en difficulté dans ce match. Pendant les deux premiers quart-temps, ça s'est particulièrement bien passé. Le SAP était devant au score. On avait l'impression qu'il ne pouvait pas arriver grand-chose, même s'ils avaient du mal à se détacher au score. Et puis, comme d'hab, petite faiblesse dans le troisième. Et puis le quatrième, et ben ça s'est fait au mental avec cette équipe de Quimper qui est revenue à maintes reprises dans les hauts scores avec les joueurs de folie. Alors quand même, quand on lit un petit peu la feuille de match, à aucun moment Quimper est revenu à la hauteur, mais le SAP d'Avignon a été toujours un petit peu maîtrisé cette soirée. Était à la hauteur du rendez-vous et c'est peut-être Quimper qui est tombé de haut face à cette équipe du Grand Avignon qu'on n'espérait pas voir à pareille fête. Ils sont tombés de haut, mais ils savaient à quoi s'en tenir, puisque dans la semaine, les joueurs du SAP et les dirigeants avaient annoncé que ça allait être l'enfer pour les Bretons. Ça l'a été, Fred, ça l'a été. On a vu quelques joueurs de Quimper se poser pas mal de questions pendant le match. Et puis encore une fois, on a vu comme d'habitude, lorsqu'ils sont un petit peu en difficulté, on a vu des joueurs du SAP se sublimer. Ce coup-ci, ça n'a pas été chacun son tour, ça a été... On a assisté à une rébellion, mais une rébellion de groupe. On a assisté à des mecs qui ont fait le boulot avec, je te dis notamment, un garçon comme Antoine Lurel qui a pris ses responsabilités et qui s'impose, d'après moi, comme le grand monsieur de cette fin de saison. On l'écoutera peut-être dans quelques minutes. Ouais, toujours est-il que... Revenons un petit peu quand même sur ces détails. Cette équipe du SAP d'Avignon qui était, on va dire, naufragée, perdue, on était déjà projeté à se retrouver en National 2, mais pas du tout. Je crois qu'il faudra attendre la dernière journée, ouais, je crois. Ouais, puis c'est à l'image de ce qu'on connaît. C'est à l'image de ce qu'on connaît de cette équipe du SAP qui, depuis le début de la saison, alterne le bon et le mauvais. Et puis... trouve des ressources physiques et surtout psychologiques pour ressortir et comme le diable de sa boîte pour toujours reculer un peu plus l'échéance de la descente, même si beaucoup pensaient que ça allait être très compliqué. Mais il était important de gagner et de faire un bon coup contre le second au classement, contre Quimper, parce qu'ils avaient besoin de se maintenir en vie. Une défaite les aurait condamnés irrémédiablement. Une victoire ne les assure pas de leur maintien en National 1, mais par contre, les gardes en vie, c'était bien là le principal. Alors, rappelons un petit peu les scores de la soirée. On jouait la 32e journée de championnat en National 1 en basketball. Les résultats, Jean-Yves. Ouais, Caen-Rueil 86-78. Tarbes-Lourdes, Lorient qui s'impose dans les Pyrénées sur le score de 101-81. Le Grand Avignon, on l'a dit, Grand Avignon... Quimper 83-78, notamment avec cette équipe du SAP qui se détache dans la dernière minute, on va dire. Andrézieux-Angers 73-57. Le résultat qui était intéressant pour les Avignonnais, c'est Oberschoffen qui s'impose à Rennes. Saint-Vallier qui subit la loi de Jette-Vosges dans sa salle. Chaland qui va battre Chartres dans sa salle aussi. Vitré qui est défait dans la salle de Choupelway après prolongation, et puis Orchi qui file 20 points d'écart 88-68 face au cadet de la Fédé pour retrouver au classement donc Caen premier avec 57 points, Quimper second avec 53, et on retrouve le Grand Avignon avec 46 points 14e. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que Rennes paraît complètement condamné, encore que Rennes 17e avec 44 points, Angers 16e 45, Vitré 15e 45 points, et puis alors après on retrouve deux équipes, le SAP et Lorient avec 46 points. Ça va se jouer là avec Gries Oberhofen aussi qui voilà, ça va se jouer entre la 12e et la 17e place, et peut-être même entre la 11e et la et la, on va dire la 17e place où les équipes se tiennent en 3 points. Ouais, je crois que tu as bien détaillé ce qui va se passer dans les prochaines rencontres de ce championnat. Et puis quand même, on va parler d'un joueur qui est revenu, on va dire, au premier plan, puisqu'il était entraîneur. En tout cas, on te fait, il a remis un petit peu le bleu de chauffe sur le parquet. C'est Lionel Lurel, Antoine Lurel, qui a fait un match extraordinaire, Fred. Antoine, qui a eu du mal à revenir dans le jeu, vraiment. Et puis là, depuis quelques matchs, c'est lui le boss. Et il était sur le parquet l'autre jour, il s'est envoyé. Alors, on va l'écouter, il a de bonnes raisons de s'être envoyé, parce qu'il a joué 2 saisons à Quimper, à l'époque de la Pro B. Il avait envie de montrer aux Bretons qu'il était toujours là et qu'il était toujours le boss. Il l'a montré. Il a pris ses responsabilités. Il était à 4 fautes à l'entrée du 3e quart-temps. Ça veut dire qu'il a été obligé de sortir. Les entraîneurs l'ont mis sur le banc. Et puis on l'a fait rentrer pour les 5 dernières minutes. Et puis là, on a assisté à un grand comeback, un grand monsieur Antoine. Allez, je vous propose d'écouter Antoine Lurel après cette belle victoire en face à Quimper. Allez Antoine Lurel, Antoine, quel match de fou. Ouais, gros match, c'est bien, il le fallait. De toute façon, aujourd'hui on jouait notre survie, donc on savait que si on perdait ce soir, ça allait être compliqué vu les autres résultats. On a fait, même si Quimper a été diminué, je pense un match de combat. Un match de combat, on s'est battu jusqu'à la fin, eux ils n'ont rien lâché. On a retrouvé des joueurs qui étaient déterminants par le passé et qui avaient une grosse emprise sur le groupe, comme Dérémy, qui fait une grosse fin de match, qui nous permet qui met des tirs hyper importants et qui nous permet de rester serein dans les dernières minutes. Donc Cheikh Soumaro aussi fait un gros match au rebond, en défense. Voilà, c'est les joueurs, ces deux joueurs-là, ils sont vraiment hyper importants pour le groupe, et ce soir on les a retrouvés, on gagne le match, donc tant mieux, c'est bien pour la suite. Toi aussi tu fais un gros match ce soir, on t'a vu partout, tu es probablement l'homme du match. Comment tu as appréhendé ce match, parce que on a senti qu'il y avait une envie qu'on n'avait pas vue depuis quelques semaines. Ouais, bah après, pour rien vous cacher, Quimper, j'ai une affection particulière à les jouer, parce que j'y ai passé deux ans, des bonnes saisons en Pro B. Donc il y avait des visages que je connaissais, les supporters sont venus. Quand on est joueur et sportif, quand on joue contre son ancienne équipe, on a toujours à cœur de briller. Donc j'ai été, je pense, en tout cas dans le combat. Après, des fois on met les shoots, on met pas les shoots. Ce soir, j'ai été en réussite, donc tant mieux. Mais voilà, c'est sûr qu'on a toujours ce petit truc, cette petite envie quand on joue contre ces... Même si bon, c'est plus les mêmes joueurs, c'est plus les mêmes, le même coach. Mais voilà, il y a des gens en face pour qui j'ai de l'affection. Et ben voilà, c'est de leur montrer que bah, on se bat toujours et qu'on a envie de qu'on est un bon joueur. Donc voilà, j'avais cette envie là particulièrement. Merci à toi. Allez. Jean-Yves va très bien résumer tout ce qui s'est passé dans cette soirée. On est très heureux pour le Grand Avignon Song, pour le fameux SAP. Espérons que les prochains matchs et peut-être déjà les premières rencontres qui vont attendre nos amis avignonnais Sorgués. Pour la fin de ce championnat. Non, j'ai complètement zappé la prochaine rencontre qui va se jouer à l'extérieur. Par contre, la dernière rencontre aura lieu un dimanche après-midi à 15h dans la salle de la Plaine. Venez nombreux, soyez présents tous, parce qu'il va y avoir un truc de fou. Je suis désolé, le nom de l'adversaire m'échappe, alors qu'on en a parlé toute la soirée samedi soir, mais il va y avoir une grande, grande, grande fête. Ça va être probablement le match à ne pas rater. Et puis, probablement que ça se jouera là, malheureusement. Espérons que cette fois-ci, ça tombe du côté à l'avantage des Avignon, le Grand Avignon. Alors, je vous donne un petit peu des résultats à la volée, comme ça. Puis la Nationale 3, Poule E, Avignon, Le Ponté s'est déplacé du côté de Saint-Vallier 2. Ils ont perdu 80 à 66 dans cette Nationale 3 masculine. C'est Aix-Maurienne qui est premier. Et les 7e, Avignon, Le Ponté, avec 31 points. Ils sont bien placés. Ils risquent absolument rien en Ligue de Provence pré-national. Les playoffs, si tu veux bien, Jean-Yves, puisque les Entraigois recevaient Saint-Marcel-Marseille. Ouais, les Entraigois qui recevaient, qui ont gagné 83-63. Cabriès s'appelait la basket 2, 89-41, ça s'appelle une rouste. Rognona s'est imposé face à Rousset sur le score de 65-64. Je passe un petit bonjour au président de Rognona, qui est un copain à moi. La Ciotat-Istres, la Ciotat qui l'emporte sur le score de 67-55. Les Rognonais sont troisième de ces play-offs. Et nos amis de Entraigues Pernes sont 5e avec 19 points, à un point de Rognona. Ouais, il faudra attendre la dernière journée là aussi pour savoir où on en est, parce qu'il va falloir, ça va être après les fameux play-offs, et c'est, je crois que c'est les quatre premières équipes qui sont qualifiées pour le tournoi final pour essayer de monter en national, je crois. C'est exactement. Il y avait les play-down aussi avec les Angles qui recevaient Haute-Provence. Ouais, les Angles qui assurent leur première place pour le moment. Les Angles qui paraissent sauvés puisqu'ils se sont imposés sur l'équipe de Haute-Provence au score de 95 à 58. Tarascon a battu Briançon 59-42. Rognac Aubagne 52-51. Les Marseillais de Tram ont battu la Vallée de l'Arc sur le score de 72 à 53. Les Angles sont quasiment sauvés et, selon toute vraisemblance, resteront en pré-national la saison prochaine, ainsi que Aubagne. Et puis après, ça va se jouer entre Haute-Provence et Briançon, et même Rognac, qui sont toutes les trois à 19 points. Tarascon et les Marseillais sont probablement déjà condamnés. Il y a un dernier résultat en pré-national féminine, puisque l'année prochaine, nous jouons en national. Il n'y a pas de souci, comme dirait l'autre, puisque les Avignonnaises de la Barbière, les filles de la Barbière en pré-national féminine, ont battu à l'extérieur Vitrolles 67 à 32. Bravo pour ces filles de la Barbière qui sont seules en tête avec 42 points, puisque Grance, le deuxième, est à 39 points après la 22e journée de championnat. On en a terminé avec le basket. Ça va être la pub. Et juste avant la pub, n'oubliez pas tout à l'heure, Joris Cazenave au téléphone, le demi-mêlée de Colomiers qui viendra nous dire qu'il se prépare pour ses phases finales de Pro D2 en rugby à 15.